Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 31. Aujourd'hui, mercredi 29 janvier. Oui, c'est ça, 29 janvier. J'espère que tout le monde est en forme. Donc, vous pouvez voir d'après mon superbe background encore, de plus en plus pêle-mêle d'ailleurs dans mon étagère, pleine de poussière cette affaire-là, que les travaux sont pas finis, mais demain on va avoir un bel escalier pour descendre en bas finalement. Alors, d'ici la semaine prochaine, absolument tous les travaux devraient être terminés. Là, je vois pas qu'est-ce qui pourrait retarder encore, à moins que, genre, il y ait plus de peinture ou les peintres pourraient être retardés. Check bien ça, genre, il y en a un des deux qui va avoir pogné une gastro, je sais pas quoi, fait que là, il pourra pas la semaine prochaine, il va pas la semaine d'après. C'est... Tout est on hold continuellement. Je capote ma vie. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est la santé. Et puis, je suis hyper caféiné présentement. Et puis, je vais même en prendre encore une petite gorgée. Je sais pas pourquoi, je suis fatigué ces temps-ci. Hein. Mon plus vieux avait un tournoi de hockey à Saint-Marc-des-Carrières. À chaque année, ben depuis 2 ans, mon plus vieux, qui est maintenant Pee-wee A, a un tournoi de hockey à l'extérieur avec... on joue pour Rosemont, dans le fond. Et puis, c'est bien plaisant. Saint-Marc-des-Carrières, c'est non loin de Saint-Casimir. Et à Saint-Casimir, c'est là qu'on dormait dans une espèce de ancien couvent de frères ou sœurs. Et puis, à Saint-Casimir, il y a aussi la microbrasserie Les Grands Bois, que je n'ai pas eu le temps de visiter, malheureusement. Mais belle petite place pittoresque. Et puis, si jamais vous avez affaire dans ce coin-là, allez donc boire plein de bière, genre microbrasserie Grand Bois, puis allez dormir à l'hôtel du couvent, là, à côté de l'église, là. C'est parfait, là. Fait que, ouais, Saint-Marc-des-Carrières. On a perdu, je vais juste comme faire finir mon petit aparté hockey. Les équipes de Montréal semblent se faire littéralement torcher à chaque fois qu'on va dans des tournois en région. L'année passée, on s'est fait anéantir dans notre tournoi à Saint-Raymond-de-Portneuf. Tout ça était proche quand même, tout ça est dans Portneuf. Avant ça, on jouait pour Centre-Sud et puis on avait une très grosse équipe. Et puis on s'est rendu aux interrégionaux, interprovincial, je sais plus quoi. En tout cas, au-dessus de Montréal. Puis on s'est fait anéantir. Donc, ouais, je sais pas, les équipes de Montréal, on dirait qu'on n'est pas bon contre les équipes de l'extérieur. Mais moi, j'ai ma théorie là-dessus. De un, on manque de temps de glace. Il n'y a pas nos pratiques à nous cette année. Puis l'année passée, puis très souvent, en fait, c'est tout le temps sur des demi-glaces. On pratique que sur des demi-glaces. Parce que les équipes, il y en a trop, puis il n'y a pas assez d'aréna. Fait que, tu sais, en région, quand j'habitais à Saint-Joseph-de-Beauce, il n'y avait pas de problème. Je veux dire, on avait la patinoire tout le temps, là, tu sais. Il y avait de l'espace, il y avait du temps, tu sais. Mais ici, non. Fait que, je le répète, mettez votre argent de côté, bâtissez des arénas. Vous allez devenir millionnaire, ça sera pas très long. Et puis, ouais, c'est ça. Fait que bâtissez des arénas. Et puis, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je vais répondre aux questions. Je suis pas vraiment partout. Je vais répondre aux questions du public que vous m'avez posées. Mais avant de commencer, je voulais mentionner des petites choses. J'ai vu une nouvelle bizarre. Vous l'avez vu sûrement aussi. Il y a comme un concept d'hôtel Atari. Qui va vraisemblablement se faire. Donc, drôle de nouvelle, je suis allé voir le site web de cette patente-là. Et puis, ça dit que ça va être un hôtel 100% comme immersif, gaming, tu sais. Il va avoir des places pour du e-sport, de la réalité virtuelle. Ça va être une expérience 100% là, thématique gamer de fou. Là. C'est ce qui est drôle parce que quand je pense gamer puis sports tout ça, je pense vraiment pas Atari. Donc je comprends pas comment ça s'est passé. Mais ça m'a rappelé que j'ai pas vu le film, le nouveau Blade Runner, mais je me rappelle, j'ai vu le trailer dans le temps, puis on voit à un moment donné un gros hôtel avec un gros logo Atari. Je sais pas, on dirait que personne n'a reparlé de ça, mais moi ça m'était resté dans la tête. Of course, c'est Atari, tu sais. Puis là, je pense que c'était juste un hint des choses à venir. Puis là, paf! 2020, man! Hôtel Atari. Puis ça, c'est très cool. Et puis, mais je pense que c'est en Arizona hein, que ça va se faire, cet hôtel-là. Ou non. Ça dit sur le site web que les travaux devraient commencer bientôt, là, à la mi-2020. Et puis, bien curieux de voir ça. Je souhaite que ça marche. Je me demande, par contre, à quel, t'sais, Atari, ils n'ont vraiment pas l'air d'avoir d'argent, là. Donc, je me demande comment ça va se faire. Je sais qu'il y a des groupes, là. Des groupes de construction, des conglomérats de l'immobilier, là. Je sais pas quoi. Il y a du monde là-dedans. Donc, c'est pas Atari qui est comme... Bon, on a fini de faire un port d'astéroïdes sur le nouveau téléphone Nexus. On va faire un hôtel. C'est des gens. C'est des gens. Beaucoup de gens. Et puis, ouais, checkerai ça. La maquette 3D est très jolie. Sérieux, moi, j'ai bien envie d'aller dormir là, c'est bien certain. Ou du moins, aller juste me faire poser devant. Ah, d'ailleurs, ici, c'est ça. GST Group are working together to build a video game theme Atari Hotels with the first location breaking ground in Phoenix, Arizona, cette année. Donc, des bonnes nouvelles, comme on dit. Côté nouvelles un petit peu plus locales, j'organise un événement qui s'appelle Bière et cassette. C'est une vente de jeux vidéo, un peu comme je faisais à l'arcade chez Arcade Montréal avant. Sauf que là, je fais ça chez Avant-Garde Microbrasserie, hein, dans le fond. Ça, c'est sur Hochelaga. J'en ai déjà parlé au dernier épisode, mais là, c'est annoncé et ça a lieu. Donc, Hochelaga, coin Dixon. Donc, juste avant de prendre le petit segment pour le tunnel. Donc, c'est très bien situé. Grand stationnement, proche du métro L'Assomption. Facile. Les enfants sont admis. On va être une couple de vendeurs là-bas. Et puis, le but, c'est juste de se donner un prétexte pour pouvoir boire de la bière dans le jour avec les cassettes là, partout. Là, parce que ça, c'est un des petits plaisirs de la vie. Puis... Faut bien avoir du fun. Donc, cela aura lieu le samedi 15 février de midi à 17h. Ça va sûrement s'étirer un peu après. Moi, personnellement, je vais rester là. Et puis, on va se commander de la bouffe. Puis, on va continuer à gamer un peu. Puis, ça va être pas mal de fun. Donc, ouais, venez faire un tour. Les enfants sont admis, comme je disais. Le permis là-bas, le permis le permet. Et puis, il n'y a pas de bouffe, par exemple. Ben, il y a de la petite nourriture, du pain, des affaires de même, mais tu peux pas souper là. Mais nous autres, on va se commander à bouffer, tout ça, et ils le tolèrent, bien sûr, et il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez, venez juste faire un tour. C'est super accessible, super facile. La place est grande, c'est beau. La bière est excellente. Donc, dans mes efforts continus de tout le temps mettre la bière et les jeux vidéo ensemble, là, j'ai voulu faire ça. Donc, venez faire un tour. Et puis, dernière petite annonce vite fait, juste un rappel pour Arcane Montréal. Deux choses. Le tableau des high scores est maintenant là-bas, sur place. Il y a trois jeux par mois, trois jeux d'arcade que vous pouvez battre des scores. Et puis, on a même deux écrans là-bas pour voir tous les scores. Les scores sont toujours affichés en rotation. Et puis, les instructions sont au tableau. Du moins, elles le seront aujourd'hui. Donc, tu vois les trois jeux en vedette. Tu décides de participer, tu bats un score, tu prends une photo. Là, il y a une adresse web où est-ce que c'est écrit. Donc, tu vas à cette adresse-là, tu rentres tes infos, ta photo de score, et puis paf, t'apparais sur le tableau, et puis t'apparais sur Internet. Et tout ça est conservé pour toujours. Et puis là, pour le mois de janvier, on faisait que le meilleur score de chacun des trois jeux obtenait un laissez-passer VIP gratuit pour l'entrée pendant un mois pour le mois suivant. Mais là, ce qui se passe... encore. C'est qu'il y a un gars qui s'appelle Zap, qui, bien sûr, est le meilleur joueur de tous les temps parce qu'il a juste fait ça tout le temps dans sa vie. Alors, si on faisait cette affaire de high score-là, c'est parce que notre permanent tableau de high score, il y a personne qui est capable de s'en approcher. Les scores sont trop élevés. Fait que là, on voulait faire une rotation pour que les gens ils participent et ils fassent des scores. Mais là, bien sûr, Zap, il revient, bat tous les scores. Tout le monde sont comme, bon, je gagnerai jamais, je participe pas. Alors là, ce qu'on va faire, on a toujours le même problème. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, au lieu de prendre le meilleur, on va faire tirer la passe à partir de février dans le top 10 des scores. Donc, tout le monde qui a un score dans le top 10 a une chance de gagner. Et puis, c'est ça. Et puis, même si t'es numéro 1, ben ton nom est encore numéro 1. Puis, bravo, c'est merveilleux. Et puis, c'est ça qui est le fun aussi. Donc, voilà, ça, c'est ongoing. Ça roule tout le temps. Donc, si jamais vous allez chez Arcade Montréal, regardez ça. Amusez-vous à participer. On alterne les machines. Ça va être bien plaisant. Et puis, la nuit blanche dans le quartier latin aura lieu cette année. Donc, je prends une petite gorgée. c'est le bar va avoir 4 ans. Il y a juste l'année passée que ça n'a pas eu lieu. Mais à chaque année, pendant la Nuit Blanche, on a un permis d'extension. Notre permis est extensionné jusqu'à 6 heures du matin. Donc, on peut vendre la boisson jusqu'à 6 heures. Ce qui est assez fou, parce que ça marche. Moi, je suis rendu trop vieux pour ça. Mais je vais aller faire mon tour, c'est sûr, mais pas jusqu'aux petites heures du matin. Là, mais cela dit, ça va être comme à chaque année. Donc, on ouvre samedi midi, puis on ferme le lendemain matin à 6 heures. L'ascar à 5h30 du matin. Donc, à chaque année, il y a beaucoup de monde, puis c'est une bonne soirée. Le staff fait du tip, les ventes sont bonnes, la rue est fermée, c'est le party dans la rue, c'est le party partout, c'est Montréal. C'est beau Montréal. On sait comment faire la fête. Donc, le 29 février, venez faire un tour si vous êtes en ville. Et puis, DJ Eric va nous faire une belle soirée synthwave. Donc, bonne musique, belle ambiance, des petites compétitions de jeux, de la boisson qu'on va donner. Et puis, cet événement-là sera annoncé ce midi. Donc, suivez la page de Arcade Montréal. Avant d'enchaîner sur les questions du public, je voulais juste présenter des petites choses que j'ai acquises dernièrement. Donc... ça, c'est nice. Il y a quelqu'un... j'étais pas là. On nous a ramené un lot. Et puis, dans le lot, il y avait ceci, mesdames et messieurs. Regardez, c'est un étui à crayon de type jeune écolier. Et puis, ça, c'est cheap, cheap, cheap. Là. C'est comme du plastique craquant, là, tu sais, bien mince. Et puis, à l'intérieur, il y a même l'aiguise crayon de Peach. Regarde-moi ça, c'est beau, hein? Hein? Pour vrai, là. Moi, ça, quand ces genres de gogos-là rentrent dans le magasin, je les garde et puis quand le sol va être fini, puis je vais me setuper un peu, je vais mettre des petits objets comme ça un peu partout. Ça va vraiment faire une belle décoration. Et puis, moi, j'avais un livre, et j'espère que je l'ai encore. Il me semble que je l'ai dans mon bac de souvenirs. Un livre d'autocollants qu'il y avait eu dans le temps. T'achetais des autocollants, genre au dépanneur, un peu comme des cartes de hockey, puis tu collais ça dans ton livre de collants. Il y en avait pour le hockey, le baseball, là. Et puis, moi, j'avais celui-là. Et puis, je pense que j'ai jamais réussi à le finir parce qu'il me manquait des collants. Mais c'est le même artwork que sur le dessus du cahier. J'aurais vraiment aimé ça vous le montrer, mais je peux pas le sortir là, des bacs. Là, tout est enfoui. Mais je le ferai éventuellement plus tard cette année. Donc, c'est le même artwork. Donc, très, très sympathique. Là, ça devait être un objet promotionnel qui venait avec. Donc, bien content d'avoir ça. Très, très belle petite chose. En faisant le ménage de chez Retro Montréal, dans le sous-sol, j'ai trouvé un jeu Game Boy qui traînait, que je n'avais pas, qui s'appelle Pipe Dream, qui existe aussi au NES et que j'ai jamais essayé. Genre de puzzle de tuyau avec de la glu qui va dans le tuyau. Je trouve que ça a l'air quand même peut-être intéressant. Je suis curieux d'essayer ce jeu-là. Ça vaut rien, là. J'ai juste comme trouvé à terre, donc à travers les affaires du Game Zone, j'imagine. Donc, un de plus, si j'ai pas regardé mon décompte là, dernièrement, mais j'ai acquis, vous avez vu sur ma page Facebook, quelques jeux qui venaient de l'Ontario. Donc, avec ça, d'après moi, j'étais à peu près à 310 sur 506. Il s'est rajouté des jeux, je pensais qu'il y en avait 502, mais il y en aurait peut-être 506 finalement, à voir. Je vais commencer à gosser là-dessus quand je vais être dans les 10 derniers, mais ouais. La quête va bien. Mais là, je vais prendre un break un peu de Game Boy parce que j'ai vraiment... là, je suis cassé présentement. Je suis vraiment cassé. Et puis, ça m'empêche pas de précommander l'Amico. Je vais en parler dans vos questions parce que les gens m'ont posé des questions là-dessus. Mais ouais, fait qu'il faut que je fasse attention. Donc là, en fin de semaine, pendant que j'étais à Saint-Marc-des-Carrières... Saint-Marc-des-Carrières? Non. C'était-tu là? Oui, Saint-Marc. Il y avait deux... auction sur eBay pour mes deux plus gros jeux qui me manquent, donc Avenging Spirit et puis Sumo Fighter. Et puis j'ai comme pas trop checké ça vraiment, les auctions finalement. Je me suis dit fuck it, il y en aura d'autres. Je me concentre sur la game de hockey, puis dans le mood, et puis faut que j'arrête de dépenser. Donc j'aurais pu, mais là non, je ne tente pas le diable, je fais pas de recherche sur Facebook, genre dans des groupes. Hey, avez-vous tous ces jeux-là? Je suis prêt à les acheter, je fais rien de ça. Faut que j'économise un peu, j'en ai acheté en masse des jeux de Game Boy. Puis là, j'y joue présentement, puis c'est vraiment ça mon... Je prends le temps de jouer un peu, j'ai dépoussiéré ma bonne vieille Game Boy Advance SP 101 backlit que j'ai eu en cadeau de mon épouse à l'époque. Et puis, vous avez vu que j'ai terminé des jeux dont je vais parler dans les questions aussi. Donc là, J'essaie de prendre du temps un peu pour jouer à quelques jeux là, que j'ai acquis. Donc, je prends un break de ça. Mais d'autres affaires, par exemple, notre gérant Philippe Turcotte, cool guy, nous vend quand même souvent des jeux de sa collection personnelle. Il y a du stock en temps. Et puis, dans ses affaires personnelles, j'ai gardé ceci, le Game & Watch Collection 1 et 2 au DS. Ça, tu pouvais juste avoir ça avec des points du Nintendo Club dans le temps. Et puis, Phil m'a dit que ça en prenait vraiment une chier de points. Et puis, que c'était vraiment dur à acheter parce que ça en prenait beaucoup. Et puis, ces affaires-là n'étaient pas vendues, je crois, en magasin. Donc, ça en fait... Not for resale en arrière, toi, et puis tout. Donc, ça en fait des systèmes assez pointus. Je pense que le 1, il vaut genre 25, puis le 2, il approche le 50. Donc, pas tant que j'ai envie de jouer tant que ça à Game & Watch, mais j'ai jamais vraiment joué à un Game & Watch. Ça sera peut-être une façon de l'essayer, juste pour le plaisir. Mais j'ai surtout gardé ça pour l'aspect collection de la chose, parce que je trouve ça très joli. Et puis, j'aime avoir une jolie collection DS. C'est ça. Je trouve ça nice. Et puis, un jeu que Bruno a parlé à Rétro Nouveau il y a plusieurs années, que je trouvais que ça avait de l'air bien, et que j'ai tout le temps voulu, comme... Je me suis toujours dit, si jamais je le trouve dans la nature, tu sais, je vais me le pogner, puis on verra, je vais essayer ça. Et puis, il s'agit de Rhythm Thief and the Emperor's Treasure, ce jeu-ci. Donc, je me rappelle plus dans quel épisode Bruno en a parlé, là. On peut faire une recherche... sur le site web retronouveau.ca pour le retrouver. Cela dit, il avait beaucoup, beaucoup aimé ce jeu de rythme. Et puis, moi, j'haïs pas les jeux de rythme non plus, en effet. Alors, Phil, il y avait ça. J'ai décidé de le garder. Mais ma surprise, c'est que ce jeu-là, complet, est rendu à genre 70$. Une affaire de fou, là. Les jeux de 3DS, ça n'a pas une énorme valeur là, pour l'instant. Et moi, je crois que la 3DS va monter beaucoup prochainement. Ben, va monter au cours des prochaines années. Parce que ça va être terminé. Ils en feront plus Nintendo. Et puis, il n'y a plus grand-chose qui va sortir sur la 3DS. Et il y a une excellente librairie. Et il y a beaucoup de jeux. Donc, on en a beaucoup chez Retro Montréal. Puis moi, j'ai déjà ce qu'il me faut. Mais, tu sais, comme vouloir me garrocher là-dedans, là, il y a plein d'affaires à se pogner, puis qui sont très bons. Donc, j'ai même ma 3DS spéciale Super Nintendo, là. Donc, j'aime bien avoir une section 3DS dans ma collection, juste avec ma belle machine, puis les beaux petits jeux que je veux avoir, puis que je veux essayer. Donc, ça, c'en est un. Alors, ça a monté, cette affaire-là. C'est on the rise. J'ai regardé les dernières ventes eBay, puis ça monte, puis ça en vend régulièrement. Donc, je vous dirais que si vous voyez ça dans nature à bon prix, là, genre même 30$, là, achetez ça, ce jeu-là, je sais pas si c'est bon, mais c'est une valeur, ça a de la valeur. Alors, déjà 20 minutes, le spectacle est commencé, va falloir que j'enligne les questions. Je vais sortir mon petit iPad, j'utilise jamais l'iPad. On commence ça avec le toujours pertinent... sympathique et valeureux Louis-David Lalancette Renault qui me demande « Est-ce que tu t'es réveillé en pleine nuit en sueur en regrettant ton achat d'Amico? » Là, ce qui s'est passé, juste pour mettre les gens en contexte, puis j'en ai parlé sur ma page Facebook, quand tu t'abonnais à la newsletter de Amico, l'intellivision Amico, sur leur site web, n'importe qui pouvait faire ça, t'avais en... puis moi, je l'avais fait aussi dans le temps pour avoir un T-shirt puis avoir la petite carte holographique, là, bref. Donc, quand tu es abonné à ça, il t'envoie un email. Puis dans ce email-là, il t'envoyait aussi un email qui te permettait d'être un funder, si tu voulais. Donc, être un funder, c'est d'avoir la console Woodgrain signée par Tommy Tallarico lui-même avec 50$ de jeu. Et un crédit de 50$ que tu dépenses en jeu. Et puis, il y avait aussi un poster holographique signé par l'équipe. Il y a une petite épinglette. Et puis, une autre... je pense que c'est tout. Fait que c'est ça. Moi, personnellement, je suis même pas sûr que je voulais tant que ça l'édition Woodgrain parce qu'Anna en a en maudit du Woodgrain dessus. Et puis, je trouve ça un peu quasiment vulgaire. Là, t'sais. J'aurais aimé ça que ça soit plus subtil comme la Atari VCS. Là, t'sais. Là c'est wood grain en grandeur. J'aime quasiment mieux la noire là, t'sais, ou la blanche classique. Mais là, ce bundle-là, je pouvais le précommander puis je l'ai fait. Mais la beauté, c'est que ta précommande est en fait un dépôt de 100$ US que tu remboursable en tout temps. Donc, la console est supposée shipper en novembre, le 10/10/2020. Hein? Et puis, nous, ceux qui ont pre-order ça, les founders, ben, on va avoir notre machine 2-3 semaines ou peut-être même un mois avant les autres. Donc, grosse primeur. Ça, c'est le fun. Et puis, par contre, c'est ça, je peux annuler mon dépôt. N'importe quand. Donc, c'est pas... Oui, je sais plus quoi en penser. T'sais. J'ai vu les jeux là, un peu, puis je vais en reparler plus tard, mais je suis pas bien sûr, personne n'est vraiment emballé par rapport à ça. Mais j'en ai tellement parlé, j'avais pas le choix. Fait que là, au moins, j'ai voulu sécuriser ma console. Et puis, si jamais ça fait pas, whatever, ben, je peux annuler ça. Puis au pire, j'achèterai la noire ou la blanche là, plus tard pour pas mal moins cher. Cela dit, la wood grain va être disponible aussi au lancement. Mais je pense que les quantités vont être très limitées. Puis je pense qu'elle est un peu plus chère que les versions de couleur. Et puis, mais là, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est le 50$ de jeu. Parce que tu t'achètes la console, il faut que tu télécharges des jeux à 7$. Donc, tu en télécharges 5 jeux à peu près, 5-6 jeux. Bref, c'est pas long que tu l'as dépensé, 50$ de toute façon, pour arriver à au total. T'sais. Ça va être 299$ en passant, 300$ US, j'ai mis 100$ à venir jusqu'à là. Donc 50$, 60$ de plus là, pour la version version Founder. Donc, pour les jeux que j'aurais achetés anyway, rien que pour remplir ma console, ben là, ma console est signée, puis j'ai des gogos, donc ça me convient. Puis moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que si le projet crash, puis ça risque de le faire, ta console est signée Tommy Tallarico, pareil. C'est comme le projet signé par lui qui va avoir été son downfall, là, je sais pas quoi, tu sais. Donc, si ça crash, j'ai comme l'impression que la version signée peut être pas mal la seule. La version Founders avec toutes les gogos, c'est la seule affaire qui va avoir une certaine valeur, tu sais. Parce que si ça crash, toutes les consoles qu'il va avoir dans les magasins, ça va faire comme la PS1 classique, là, tu sais, comme... Le monde va s'en foutre puis ils vont les donner. Peut-être que ça va reprendre la valeur beaucoup plus tard, je sais pas. Mais la seule chose qui a de la valeur pour moi là-dedans, je trouve, c'est cette version-là. Donc, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Puis je vais faire un peu de ménage, puis je vais encaisser cet achat. Donc, voilà ce que c'est. Et puis là, j'avais demandé sur ma page Facebook, les gens, est-ce que je le fais? Là, c'est sûr, tout le monde dit, fais-les. Il y a des gens qui n'ont pas compris le gag vraiment encore que je fais depuis des mois par rapport à ça. Et puis, t'es-tu malade? Mais je vous comprends. Mais non, je l'ai faite, là. Puis, on verra bien. Donc, si je me réveille dans la nuit, pour finir de répondre... Excusez, l'iPad a fermé. Finir de répondre à la question... Si je me suis là, je regrette de l'avoir fait dans un sens parce que là, on est en janvier et j'ai pas une scène. Donc, oui, j'ai comme hésité. Wow! Hey! Devinez qu'est-ce qui s'est passé. J'enregistre avec mon téléphone. La vidéo a coupé parce que j'ai reçu un appel de mon entrepreneur. Et devinez quoi? Les escaliers qui étaient supposés être faits demain vont être faits lundi, finalement. Alors, les délais sont repoussés encore! Asti que je capote. Asti que je tanné. Ça finit plus, man, ce chantier-là de marde. Bon, fait qu'on finit par contre avec la question de Louis-David Lalancette Renault. Je suis pas je regrette, je suis pas regrette, c'était pas le moment pour moi, j'avais pas d'argent là à mettre là-dessus pour l'instant. Mais d'un autre côté, c'est un paiement remboursable. Alors, on verra. Hey, si jamais je suis cassé comme un clou en novembre prochain, ben j'annulerai tout ça, je récupérerai mon 100 US. Simon Fréchette Daou, est-ce que tu as l'angoisse de ne pas savoir à quel jeu vidéo jouer. C'est pas une angoisse que j'ai vraiment... Non, j'ai pas cette angoisse-là, en fait. J'ai l'angoisse des fois, effectivement, par contre, de comme « Hey, j'ai un peu de temps, puis là, j'ai pas de projet ou d'idée par rapport à tel jeu qu'il faudrait bien que j'essaye. » Puis des fois, il y a des jeux qu'il faut que t'essayes, mais tu sais, c'est comme pas le moment. Quand t'es fatigué, c'est pas le temps d'embarquer dans un jeu très hardcore, vraiment tough. Donc des fois, j'ai un moment pour jouer, puis là, je sais pas exactement qu'est-ce qui fitterait dans ce moment-là, tu comprends? Puis j'en ai vraiment beaucoup de jeux. Mais non, j'ai pas tant cette angoisse. Dans le fond, là, présentement, par exemple, j'ai mes jeux Game Boy. C'est court, des jeux, des sessions de Game Boy. Donc ça me plaît en masse. Je peux laisser ça sur pause. Et puis sinon, j'ai ma Switch qui est toujours prête avec ma game de Monster Boy présentement. Donc j'ai tout le temps des petits projets ongoing, là, tu sais. Donc ça va très bien. Fred Gemus, as-tu commandé ton Amico? Puis c'est quel jeu que tu attends le plus? Donc j'ai commandé. J'attends pas de jeu, vraiment. Là, je suis excité par rapport à aucun de ces jeux-là. Par contre, il est sorti un preview de Night Stalker dernièrement. Night Stalker, quand même un grand classique de la console. Et puis, ça a l'air bien, sérieux, celui-là. Il a de l'air pas pire. Astro Smash, qui est un autre gros classique de la machine. Ça a l'air intéressant aussi. C'est juste graphiquement, ça. C'est comme des jeux flash, t'sais. C'est comme des jeux de téléphone, c'est pas bien beau. Moon Patrol aussi, t'sais, les jeux ils vont être le fun, mais c'est juste que visuellement ils sont pas beaux. T'sais. On souhaitait tous au départ que les jeux soient faits un peu style pixel, là, t'sais, rétro, puis ça aurait super bien marché, puis peut-être ça va venir plus tard, mais là, les gens qui programment ces jeux-là sont très old school, fait que les jeux ils ont tout l'air old school. Mais toutes ces réimaginations-là des classiques de la télévision, j'ai bien hâte de les essayer. Il y a un breakout fait à l'horizontale. Le nouveau, en fait, Earthworm Jim, ils vont faire un jeu Earthworm Jim qui va être uniquement disponible sur la Amico. Donc, vraiment un nouveau jeu de la série. J'ai vraiment hâte de voir de quoi cette affaire-là, à quoi cette chose-là va ressembler. Ça risque d'être très drôle. Dom Renault, en lien avec l'Amico, quel est ton meilleur souvenir de la console Atari? Moi, le meilleur souvenir que j'ai par rapport à l'Atari, c'est juste de me lever le samedi matin, puis d'y jouer dans mon sous-sol, puis les jeux Atari. Un beau souvenir que j'ai, par contre, c'est vrai, c'est que dans le fond, moi, ma Atari 2600 Wood Grain, que j'ai hérité de ma grand-mère parce qu'elle avait maintenant une NES, tu sais. Fait que moi, j'ai eu l'Atari. Et puis, elle avait quand même un bon paquet de jeux. Mais là, un moment donné, après un an ou deux, je savais comme plus trop quoi faire avec ça. Tu sais, je virais de sourd un peu. Fait que là, mes parents, ils ont décidé de regarder les petites annonces locales, puis ils ont acheté des jeux de quelqu'un qui habitait dans une autre rue qui vendait son stock. Donc, elle avait deux manettes là, avec les boutons jaunes. J'ai oublié les noms, puis j'ai revu ça passer. Des manettes qui allaient bien. Et puis, avec genre une quinzaine de jeux, 15-20 jeux. Là. Fait que là, soudainement, puis ils n'ont pas payé ça cher, là, tu sais. Fait que soudainement, il y avait comme une injection de 20 jeux dans ma collection Atari. Je considérais pas ça une collection dans le temps. Je voulais juste comme le plus de jeux possible pour jouer. Fait que là, je découvrais un univers, là, t'sais, beaucoup de jeux d'Activision. Dolphin était comme un jeu que j'étais comme, waouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est incroyable, ce jeu-là, c'est fou. Pressure Cooker, j'avais jamais joué à ça. Soudainement, j'avais ça. Sky Jinx. J'ai jamais trop compris ce jeu-là. C'est un peu plate, faut un avion, faut que tu passes entre les trucs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mousetrap. J'ai vraiment beaucoup joué à Mousetrap. Vraiment, j'adorais ce jeu-là. Ça m'a pris du temps avant de trouver comment faire changer les portes. Faut comme tu pousses dans la porte en pesant sur le bouton. Ça clignotait. Je savais qu'il y avait de quoi, mais je savais pas comment, tu sais. Donc, ça, c'était... En fait, ouais, ça, c'était des très beaux souvenirs. Je me rappelle quand je me suis garoché là-dessus. Hein, fait que c'était vraiment cool. Excusez, il y a du monde à la porte. Et puis, ouais, je jouais à ça. Et puis, c'était ça le matin. Je me levais, puis je jouais à ça. Je me disais, OK, là, je vais essayer tous mes jeux. Je faisais une game de chaque. T'sais, c'était pas très long. Fait que, des beaux souvenirs, sérieux. C'est pour ça que j'aime l'Atari encore aujourd'hui. C'était quand même pas mal ma jeune enfance. Sébastien Trottier, ton gadget préféré, manette, accessoire utile ou non? Appareil pour supposément améliorer la jouabilité dans les jeux vidéo. Moi, j'ai une manette turbo fétiche que j'avais eue quand j'étais petit, dans le fond, avec ma NES, et puis qu'on avait acheté au Clif Vidéo de Madame Oiseau. J'en ai parlé de Madame Oiseau. Et puis, je l'ai encore, la même manette. C'est pas la même. Je m'en suis débarrassé un moment donné, dans le temps. Et puis, il y en est apparu une autre chez Retro Montréal au cours des années, je sais pas quoi. Puis là, j'ai comme, oh! Je l'ai gardé. Puis ce qu'elle avait de bizarre, cette manette-là, elle était comme une manette NES, mais le fil était sur le côté. Et puis le pad, il était comme un peu pointu. Puis il y avait deux boutons de turbo, un au-dessus de A puis un au-dessus de B, des petits boutons en angle jaune. Et puis j'ai découvert ça avec le temps. C'était une réplique d'une manette Famicom. En fait, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Puis le fil sur le côté, tu te le passes entre les deux doigts ici quand tu tiens la manette, tu sais. Donc, ça m'a pris un peu de temps, mais je me suis habitué à ça. Puis le D-pad, il est vraiment comme, mettons, ça c'est plat. Normalement, ça va bien quand le bout des flèches va vers le bas, mais là, il va vers le haut. Fait que c'est comme pointu, c'est dur à expliquer, là. Mais le bout des flèches est comme, te rentre dans le pouce, là, c'est vraiment tough. Donc, ouais, ça fait mal aux doigts, mais j'ai récupéré cette manette-là. Je suis très nostalgique de son look, et puis je l'ai utilisé pour terminer des jeux NES comme Gunsmoke 1943. Manette que j'aime beaucoup, vraiment, c'est ma petite manette là. Sinon, je suis pas un gars vraiment de gadget. J'aime comme finir le jeu avec les affaires authentiques. Peut-être faudrait j'essaye au Genesis le stick pour les shmups, ce genre d'affaires là, ou un stick sur Saturn, mais c'est des grosses patentes, j'ai pas tant envie de me lancer là-dedans. Michael Baroque Larouche me demande c'est quoi tes plus grandes surprises sur Game Boy depuis que tu fais le full set? Là, j'ai noté une coupe d'affaires. Je vais prendre une gorgée de café. Et puis, j'en ai noté quelques-uns ici. Je vais essayer de faire ça vite. J'ai terminé Spud's Adventure cette semaine. Et puis, j'étais vraiment surpris de voir que c'était une belle aventure, labyrinthe, du gameplay varié. C'est un jeu qui vaut très cher. C'est le deuxième plus cher de la console. Mais c'est très bon, pour vrai. C'est très bon. Donc ça, c'était hot. Vous avez vu aussi que j'ai terminé Jurassic Park 2 de Chaos Continues, il me semble que c'est ça le titre, qui est un jeu qui ressemble plus à Contra que ce que je pensais que ça allait être un top-down shooter, dans le fond. Là. C'est bien fait, le gameplay est tight, va falloir que j'essaie la version Super NES. Beaucoup de fun avec ça. Toxic Crusader, j'ai fait l'année passée. C'est un autre jeu qui vaut très cher sur la console. C'est bien. Le gameplay est bien. Petit platformer, des personnages variés qui font toute la même affaire, par contre. Mais je me souviens avoir eu du fun avec ça. Universal Soldier, le film avec Van Damme et Dolph Lundgren. Me semble que c'est lui. Ce jeu-là, il vaut, je pense, une quarantaine de piastres sur la console, 45 ans. Mais en fait, ça serait supposé être de la merde, mais ça, c'est bon parce que c'est Turrican 2. Donc, Turrican, là, le Super Turrican, ça, vous connaissez cette série-là. Ça a été rebrandé Universal Soldier. Donc, c'est pour ça que le jeu, il est bon. Je l'ai essayé un peu vite, puis je suis mort rapidement. Donc, c'est un jeu qu'il va falloir que je me concentre. Mais j'ai trouvé ça pas mal plaisant. Battle Bull, qui est un top-down jeu de tank, d'affrontement, ça j'ai bien aimé ça. Et puis j'en ai parlé sur ma page, j'en ai parlé à Retro Nouveau, j'en ai parlé sur ma page. Mega Man 5, qui est un legit Mega Man unique avec ses propres robots, ses propres affaires, très très très bon. Ninja Taro, qui est un genre de top-down dungeon crawler de Zelda-esque un peu, pas mauvais du tout. Zen The Intergalactic Ninja, vraiment plaisant, c'est une version, c'est un platformer celui-là, c'est pas comme isométrique ou rushant comme au NES, là. C'est carrément un bon petit platformer, ça me fait penser aux Turtles, donc de Konami aussi, tu vois que c'est vraiment calqué sur le même gameplay, vraiment cool. The Adventure of Star Saver, un genre de shmup platformer un peu weird, en tout cas au niveau du gameplay, c'est rushant un peu, mais à force de jouer, j'ai réussi à saisir. J'étais rendu pas mal loin d'ailleurs, mais là j'ai abandonné, ma machine était sur pause, mais je vais définitivement m'y remettre. lorsque je serai mieux équipé, sûrement une analogue avec une analogue pocket. Le classique d'arcade, Total Carnage, donc un Twin Stick Shooter qui est bien adapté au Game Boy, vraiment, comme il l'est aussi au Super NES, un peu comme Smash TV. C'est comme Smash TV 2, sauf Jungle Warfare, man. Et puis, la version Game Boy est quand même correcte. Difficile, mais correcte. Maru's Mission, qui est comme une version, qui est comme un jeu de Ninja... comment ça s'appelle, donc? Maman Maru, Kana Maru, Colin. J'ai oublié. En tout cas, c'est dans cette série-là. Et puis, Platformer, un peu comme Ninja Senki, nos amis Tribute, un peu. Je pense qu'ils sont inspirés aussi de ça quand même pas mal. Très cool jeu. Mercenary Force, qui est un très bizarre de genre de shmup, où est-ce que t'es un attroupement de 4 personnages, me semble. Tu choisis lesquels, et puis ça l'avance, c'est sur rail, tout doucement, puis tu changes ta formation de personnage par rapport à qui te tire, de quelle direction pour encaisser ou pour shooter. C'est vraiment fucké. C'est de la gang qui ont fait Meldak, me semble, le nom. C'est eux qui ont fait Zombie Nation au NES. Et puis, ils ont fait un autre jeu Alien avec un nom compliqué au Game Boy. Je vais jouer à ça cette année aussi. Des drôles de gens, ça, qui font des jeux fuckés. Mais Mercenary Force, c'est quand même intéressant. Bruno Georget, un cours 101 de nettoyage de cassettes et consoles NES. Je suis vraiment pas la personne pour ça. J'en ai. Tu sais, moi, les jeux, je les nettoie avec Q-tips et alcool à friction. Quand je veux vraiment rien savoir, je l'ouvre, je prends du brasseau puis je mets ça sur les contacts. Il y en a qui disent qu'il faudrait pas, mais ça l'a sauvé des tonnes de jeux. Ben, des tonnes. C'est comme un sur 100 là, qui en a de besoin. Puis on en nettoie en maudit des jeux chez Retro Montréal. Je vous en passe un sapin. Et puis, j'en passe un papier. Et puis, c'est ça. Mais pour les consoles, c'est pas moi qui s'en occupe au magasin. C'est Joe. Et puis, lui, il fait bouillir les connecteurs. Il ouvre les NES, fait bouillir le connecteur. Et puis, habituellement, ça marche très bien. On peut aussi changer l'adapteur, là, 72 pins dedans. Donc, bref, vous pouvez faire ça. Moi, je connais rien à ça. Des cours 101, il y en a plein sur Internet, il y en a plein sur YouTube, donc vous pouvez voir ça là. François Dicantine, est-ce qu'il t'arrive de regretter la vente d'un article convoité de ta collection? Pour être franc, à venir jusqu'à la date, non. J'ai... au cours, tu sais, comme quand j'ai commencé à collectionner, je ramassais tout. Et puis, avec le temps, j'ai commencé à laisser partir des choses. C'est sûr qu'il y a des affaires qui me font un petit de quoi. Comme j'avais un Virtual Boy, et puis presque tous les jeux, il m'en manquait juste deux CIB pour avoir le complete set. Et puis, j'ai vendu tout ça. Puis ça, tu vois, ça me dérange pas pantoute. J'ai vendu mon Dreamcast l'année passée avec mes jeux. Et puis, j'avais pas beaucoup de jeux, mais des très beaux jeux là-dessus. Puis, j'haïssais pas avoir une Dreamcast. Cependant, je jouais jamais. Et puis, c'est des shmups surtout là-dessus. Giga Wing 1 et 2. Et puis là, j'aurais voulu avoir Mars Matrix. Et puis, avec ça, j'aurais été comblé. J'avais 3-4 jeux de cool aussi, là, tu sais. Mr. Driller, Plasma Sword, bon, Crazy Taxi, ces affaires-là. Donc, ça... Je trouvais ça le fun, je trouvais ça beau avoir ça, t'sais. Je le regrette pas, je peux me racheter tout ça, à gros prix, mais je le ferai pas. J'ai de l'espace, puis je suis content de ça. J'ai en masse de choses à jouer auxquelles j'ai pas le temps de jouer encore, fait que vu que je joue avec mes choses, je suis vraiment plus concentré sur garder les choses auxquelles je joue, t'sais. Sega Master System, ça m'a pas dérangé. De toute façon, là, j'ai une flashcard qui les a toutes dessus. Ça, c'est merveilleux. Et puis, anyway, tout ce qui me manque, tu sais, si j'ai de la peine de quoi, j'ai en masse d'amis qui peuvent. Qui ont ça chez eux, là, tu sais. Donc, je peux jouer à ça tout le temps. Simon Moreau. Lequel des Castlevania tu as le moins aimé? Bien sûr, Castlevania 64. J'ai pas essayé Legacy. Of Darkness, j'ai juste essayé Castlevania 64. Je dirais pas assez essayé par contre. Je l'ai essayé dans le temps quand c'est sorti, puis j'étais comme oh, nouveau Castlevania 3D. Puis comme tout le monde, j'ai trouvé ça à chier. Mais faudrait peut-être je rejoue à ça un moment donné. Mais la vie est courte, hein. J'aime mieux refaire des bons Castlevania que de perdre mon temps avec ça. Mais ouais, ça non. Judgment sur Wii, qui est un jeu de combat que j'ai essayé, qui est pas broken quand même, mais qui est comme laid. Les personnages, j'aime vraiment pas comment qui sont dessinés. C'est très emo, c'est très japonais, c'est dégueulasse. Moi, ça me plaît pas du tout. Et puis, mais le jeu, il est pas brisé. Et sinon, les Lords of Shadow, moi, j'ai pas aimé ça pantoute. J'ai pas embarqué. Je trouve pas que ça fait Castlevania. Oui, il y a des références un peu. J'ai aimé celui sur 3DS parce qu'il y avait des références, justement. Mais moi, Gabriel Belmont, il me dit « fuck all, je m'en sac de lui, c'est pas intéressant, je me sac de son histoire. » Et puis, le God of War gameplay, ça m'intéresse pas. Lords of Shadow 2, supposé que c'est bien, bien bon, mais c'est de la merde. Pour moi, j'ai pas d'intérêt du tout par rapport à ces Castlevania-là. Puis, en 3D, moi, j'ai beaucoup aimé « Lament of Innocence » puis « Curse of Darkness ». Puis Lords of Shadow, j'embarque pas pantoute. Faut dire qu'ils ont tout rebooté avec ça, puis ils se font pas ça. On dirait que je les compte pas comme dans la série, tu sais. Pas satisfait de ça du tout. Simon Dubois, pas une question, mais il y a vraiment eu une évolution au niveau du cheveu de toi et Bruno à Rétro Nouveau avec les années. Écoute, c'est bien certain, on fait ça depuis 2011, donc en 9 ans, si on garde pas toujours la même coupe, hein. Donc, on vieillit, on essaye des choses, c'est normal. Marvin Wayne, numéro 1. Je me souviens que Bruno a bien aimé les Lords of Shadow, surtout le 2, mais je me souviens pas si tu les avais essayés finalement, ou ça fait partie du backlog PS3 pour Arcade Soleil. C'est ça, j'ai juste joué au 1, je n'ai fait genre la moitié, puis je me suis écœuré. Et puis, j'ai pas joué au 2, Bruno a joué au 2, lui il aimait ça, moi j'ai pas aimé ça. Et puis, parlant de backlog PS3, je viens d'acheter une PS4 pour mon plus vieux. Donc, je vends ma PS3 puis tous mes jeux parce que, anyway, je jouerai pas à ça. Tu sais, comme quand je m'assois pour avoir du temps, j'en parlais tantôt, là j'ai le temps de jouer. J'ai jamais envie de m'asseoir devant ma PS3 puis de partir un jeu, tu sais. Je vais jouer avec ma Switch all the way. PS3, non. Fait qu'on va faire de la place, je me débarrasse de ça. Mais on pourrait avoir une belle ludothèque chez Arcade Soleil, c'est bien certain. Numéro 2. Pendant 24 heures, tu dois écouter non-stop A, le même album de Blind Melon, ou le film de B, le film d'Ernest? Ça, c'est le fun, ces questions-là, parce que tu vois que le gars, il écoute Rétro Nouveau, tu sais, puis les inside jokes de Blind Melon, puis dans le dernier épisode, on parlait des films de Ernest. Donc, merci Marvin de nous écouter, puis d'être bien au courant de tout ça. Ça fait chaud au cœur. Moi, je dirais que j'écouterais l'album de Blind Melon, parce qu'au moins, quand t'écoutes de la musique, tu peux faire autre chose, t'es comme libre, mais il faut que t'écoutes le film d'Ernest pendant 24 heures en boucle, t'es comme pogné devant le divan, sur le divan. Donc, c'est ça que je ferais dans ces deux très difficiles situations. Jonathan Boucher, un petit topo sur l'avancement des travaux du sous-sol. Ben, comme vous voyez, tantôt, cela est arrivé. Et puis, semaine prochaine, mon entrepreneur m'a dit que semaine prochaine, tout est fini. Donc, ça va vraiment être fini pour le 1er février, là, dans le fond. Soit 2 mois de plus que ce qui avait été prévu. Jean-Christophe Mercier. Quelle version du Super Nintendo préfères-tu? L'original de 91, la Junior de 97 ou la Mini Classic édition de 2017? Et puis, Jonathan Boucher lui répond, ou la Super NT d'analogue? Mais Jean-Christophe répond, ça compte pas, c'est pas un produit Nintendo. On parle des versions de la SNES fabriquées officiellement par Nintendo. Donc, si ça comptait, la NT serait ma préférée, bien sûr. Sinon, je sais qu'il y a des specs, là, la première version, il y en a qui permettent du RGB, puis il y en a... Non, là, je sais pas quoi. Mais moi, la version classique mini, ça m'intéresse pas parce que j'ai peine en masse de jeux, donc j'ai pas besoin de ça, puis je trouve que ça lag. Ça lag très peu. C'est correct pour le commun des mortels, mais moi, je suis comme Dieu. Et puis, c'est une joke. Mais je suis très pointu là-dessus. Tu sais, quand ça lag, j'aime pas ça. Donc, mais ça, c'est moi. J'ai une maladie. J'ai une maladie que les autres n'ont pas. Tant mieux pour vous. Et puis, moi, j'ai la junior ici. Là. J'ai la petite. Et puis, c'est très léger. C'est tout petit. Ça me convient très bien. Là. Seule affaire qui est plate avec celle-là, c'est qu'il me semble que je peux pas jouer à Super... Ouais, je peux pas jouer à Super Turrican parce qu'il y a un bug de son. Donc, c'est ça qui est dole. Mais un ou l'autre, moi, pas de différence. Là. Quand c'est plus petit, plus d'espace gagné, merveilleux. Mais j'aime beaucoup la normale, la classique aussi. J'aime le modèle, j'aime la lourdeur. C'est un bel appareil. Steph Côté, j'ai quelques questions au niveau de ColecoVision. 1. As-tu eu la chance d'essayer la Phoenix de Collector Vision? Si oui, quelle est ton appréciation? Je n'ai pas essayé. Je suis allé voir le site web avant de commencer l'enregistrement. Jeff Dupuis, qui est là-dedans, m'avait parlé de ça. Là, à ce que je vois, il y en a une batch qui a été shippée. Donc, les pre-orders ont été shippés en octobre dernier. Là, il faut qu'ils en fabriquent d'autres. Mais là, on dirait que quand on veut acheter sur le site, c'est encore pre-order. Fait que là, je comprends pas comment c'est fait. J'ai comme l'impression qu'ils les fabriquent au fur et à mesure, puis que quand ils ont assez de commandes en stock, ben ils font une batch puis ils achètent. Donc je sais pas exactement là, tu sais, mais ce que je trouve, c'est qu'il manque de, c'est pas assez annoncé cette affaire là, tu sais. C'est comme la Coleco HD branchée HDMI, c'est comme la console parfaite pour jouer au Coleco. Puis, man, tout le monde veut ça, mais on dirait qu'ils en parlent pas, tu sais. Ils parlent beaucoup de Sydney Hunter, des jeux, puis toutes leurs annonces, Justice Beaver, puis tous leurs jeux, ils parlent de leurs jeux, Man, ils parlent pas de leur hardware qui tombe bien hot, puis il me semble. En tout cas, fait que je suis un peu dans le néant là-dessus, là. J'ai pas essayé. Je veux essayer. J'aimerais vraiment essayer. Entre-temps, j'ai eu ma ColecoVision qui est toute. Qui est vraiment sa qui est vraiment sa coche que j'aime, donc je peux jouer avec ça. Est-ce que, deuxième point, est-ce que tu as un ou des jeux méconnus de Coleco que tu recommanderais? De mon côté, j'ai trouvé Qbert's Cube pour 10$ la semaine dernière. Très bon, parce que ce jeu-là vaut très cher, genre 80, 100, quelque chose de même. Et mon ami Alex m'a fait jouer à Zenji, qui est un jeu de puzzle vraiment pas facile comparativement aux jeux de l'époque. J'ai trouvé Zenji moi-même dans Nature, qui est un genre de puzzle, un jeu d'Activision. Puis c'est quand même intéressant pour vrai, je savais pas ce que c'était cette affaire-là. Donc méconnu et intéressant, Zenji, oui. Sinon, c'est pas des jeux méconnus, mais je veux juste en recommander quelques-uns. En fait, ils sont pas méconnus du tout. Tapper, j'aime beaucoup la version ColecoVision, très bien faite. Time Pilot, qui est un jeu d'arcade que j'aime bien pour vrai, là. Puis je trouve que la version Coleco, vraiment, ça accroche. Garf, qui est un genre de Galaga Space Invaders avec trois niveaux de gameplay différents. Très, très bon, qui est aussi un jeu d'arcade. Très, très bon sur la Coleco. Hero, bien sûr. Aussi bon que sur l'Atari 2600, mais graphiquement plus de stock. Antarctic Adventure, le petit pingouin qui avance là, vers l'infini. Là. Vous avez joué à ça sur les cassettes de 260 jeux et tout et tout. Donc, ça existe au Famicom, mais ils ne l'ont pas sorti au NES, mais la version Coleco est très bien. Frenzy, qui est un genre qui est Berserk 2 dans un sens, qui est un jeu d'arcade aussi. Très bonne version sur le ColecoVision. Et j'aime toujours jouer à Carnival, qui est un jeu de tir. Très bien fait. C'est ça. Jonathan Paradis, à quand un arcade QC ou un rétro QC? J'hésite. Oui, je le ferai. Arcade. Québec est bien servi en boutique de jeux et en arcade avec le. Il y a plein de boutiques de jeux à Québec et puis il y a le McFly. Donc je vois pas. Au niveau du marché, tu sais, je vois pas comment ça pourrait être si rentable que ça. Peut-être plus une boutique. J'aimerais comme. j'ai comme envie de racheter la bâtisse ADD puis son stock, puis de fusionner avec Flip Jeu, puis de faire, tu sais, comme un beau gros spot à Québec. Ça, me semble ça serait le fun, ça. Ça serait nice, mais moi, j'habite pas à Québec. Fait que, tu sais, comme aller à Québec, 2 heures de route, aller 2 heures retour, tu sais, faut être sur place, là. Ça prend beaucoup de temps. Donc, beaucoup de deals, beaucoup de gossage. Donc, écoute, c'est beaucoup de travail, là. Donc, on va voir. Pour Arcade Montréal, on va voir si on va nous ouvrir un autre. C'est un peu en stand-by, ça aussi, à Montréal, un deuxième. Mais n'ouvre pas commerce si facilement qui veut. Olivier Jobin, dans mes souvenirs, Night Stalker, Astro Smash et Shark sont de loin les meilleurs jeux d'Intellivision. Tu as raison, des excellents jeux. Est-ce que ce sont des jeux qui tiennent encore la route en 2020 au niveau du contrôle et du gameplay? Absolument, c'est des jeux avec lesquels tu peux avoir beaucoup de plaisir présentement. Il y a beaucoup de classiques d'Intellivision comme ça qui sont qui demeurent des très bons jeux et puis qui sont des jeux comme uniques. Moi, Shark, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Dans les plus récents aussi, j'aime beaucoup Thin Ice et Thunder Castle, deux excellents jeux. Écoute, la librairie d'Intellivision est toujours intéressante à explorer. Si vous ne voulez pas vous lancer là-dedans, pognez-vous des compiles d'Intellivision. Intellivision Lives est pas mal la meilleure. Merci Olivier de t'intéresser à l'Intellivision. Kevin Doré Poudrier me dit « Est-ce que vous avez récemment ou pas trouvé votre bonheur dans une boutique de E, vous voulez sûrement dire de jeux ou pawn shop à Trois-Rivières? » Là, pas tout à fait sûr de comprendre la question. Je suis allé à Trois-Rivières deux fois au cours de l'année dernière pour acheter des lots pour Retro Montréal. Je suis allé voir Micheline pour y acheter des boîtes de jeux. Très bien été, très cool Micheline, c'était bien le fun. Puis un autre lot que c'était juste un point de rencontre. Je suis allé dans une boutique, par contre, tant qu'à être là. Et puis, j'ai vraiment pas aimé mon expérience. Puis, j'ai vu des gens parler des boutiques de Trois-Rivières. Je sais pas, il y en a quelques-unes, là. J'en ai essayé une, et puis, j'ai pas aimé ça du tout. C'était froid, tu sais. Puis, je voulais un jeu de Game Boy. Il y avait pas de prix dessus, bien sûr, parce que le monde, ils ont pas d'inventaire, ils mettent pas de prix, ils ont pas de site web, ils ont juste comme une pile de jeux. Puis, là, j'ai comme, c'est combien de jeux, là? Je regardais ça, ça avait l'air de valoir à peu près 20-25. Il regarde, je sais pas quoi, sur Internet, il me dit 50. Je dis, bon, ben non, OK, bye. Fait que ça a été mon expérience. Et puis, c'était pas bien le fun. Vraiment pas le fun. Yves Lanville me dit, comment nettoyer un label sale comme celui-ci en me montrant un jeu Atari de Activision plein de taches? Est-ce que c'est une façon de faire sans endommager le label? Ça, c'est la colle qui a comme passé au travers du papier puis qui a imbibé le papier. Malheureusement, il n'y a absolument rien à faire avec ça. C'est pas des taches qui sont arrivées par après. C'est comme chimiquement, ça s'est fait avec les années. Donc oui, il y a beaucoup de beaucoup, les labels Activision à l'Atari 2600 font ça. Donc, c'est malheureux. Dans ce temps-là, moi, je te dis, garde un œil ouvert pour des labels upgrade. C'est ça la beauté de l'Atari. Il y en a beaucoup de ces copies de jeux-là. Donc, tu fais des upgrades pour essayer d'avoir les plus belles. Patrick Doyon, à quel point l'épilogue compte-t-il dans ton appréciation d'un jeu? Est-ce qu'une finale bâclée te fera reconsidérer le plaisir que tu as eu à y jouer ou le temps consacré à le terminer? Pas du tout. Il me demande, bonus, des exemples de fin décevante. J'ai pas d'idée en tête par rapport aux fins décevantes, mais je peux te dire que tous les jeux NES, Game Boy, Super NES, c'est souvent des fins très décevantes. Puis moi, la fin, je m'en sac. C'est vraiment... Tu sais, ce qui se passe à la fin en tant que tel, je m'attends tout le temps à rien. Ça fait que, tu sais, comme même s'ils me font des fois, il y a des belles choses, là, mais pour moi, ça, c'est pas important. Moi, c'est vraiment juste de finir le jeu. Là, je suis comme, ah, c'est fait. Bon, montre-moi là ta fin là, de merde. OK, c'est beau. Bye, il m'en sac. Donc, ça ressemble un peu à ça. Puis, non, l'histoire... Ben là, peut-être qu'il parle des jeux récents, là. Hein, mais je sais pas. Je regarde pas trop ça, pour être franc. Je regarde pas trop ça. Donc, non, ça m'importe peu. Olivier Boucher me demande, ma question, qu'est-ce que tu manges pour être beau de même? Hey, merci. Je mange mieux, en fait. Mais je suis plus fatigué. Mais ça, c'est la vieillesse. Mais je mange mieux. Mais je tiens à dire, Olivier, que d'après ton avatar, tu sembles avoir un peu la même coupe de cheveux que moi présentement. Tu as les cheveux plus longs. Donc, je m'en vais te rejoindre. Ouais, j'ai chaud. Je vais enlever ma tuque. Maxime Duguay qui me montre une image de l'hôtel Atari qui dit « Vas-tu vendre un peu de stock de ta collection pour aller au futur hôtel Atari en Arizona? » C'est clairement une pâle copie des futures résidences Arcade Soleil. Ah, je trouve ça très drôle. C'est vrai, hein? Ils ont écouté notre podcast puis ils nous ont copié ces écœurants-là. Mais je vais y aller. Ben, j'en ai parlé tantôt. Je trouve ça très cool. Mais Arcade Soleil, man, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Ça. J'ai envie de mourir dans Arcade Soleil. Pour finir, deux messages privés que j'ai reçus. De Yannick Whistle. Salut Dom, je suis comme toi, quarantaine. Lui, il a 42. Moi, j'ai 40. Jusqu'à quel âge penses-tu que notre génération collectionnera et jouera des jeux vidéo? Lâche pas tes excellents podcasts. Toujours un plaisir d'écouter Rétro Nouveau ou Papa Cassette. Merci. Merci de nous écouter. Très apprécié. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Moi, je vais jouer et collectionner les jeux probablement toute ma vie. Encore peut-être même plus tard parce que je vais avoir plus de temps. Je veux, tu sais, moi, mes temps libres, je les passe à gosser dans ma collection puis à jouer. C'est ça que j'aime, outre comme les activités familiales. Donc, moi, j'ai comme l'impression que ça va juste aller en grandissant, tout ça. Là, j'ai des label upgrades à faire. Là. Donc, je pense pas qu'il y a d'âge pour ça, mais je pense que c'est peut-être une affaire de plus vieux un peu de commencer à collectionner. Genre, un moment donné, t'es comme... Ah ouais, j'avais ça, puis je veux ça, puis ça c'est beau, je veux me faire une petite collection de tous les jeux que j'avais quand j'étais petit. Il n'y a pas d'âge pour ça, puis c'est ça la beauté de la chose. Un jour, il n'y aura plus de jeux physiques. Ça va venir, ça. Quand, je ne sais pas, peut-être dans deux générations de consoles, aucune idée. Mais il va y avoir en masse de jeux physiques encore dans la nature pour tout le monde qui veut le collectionner pendant des années, des années, des années, des années. Puis ça va être intéressant de voir ça se développer. Mais tout ça se passe très lentement et puis, tu sais, je veux dire, ça switch les jeux physiques, ça arrête pas, là. J'en achète, je pourrais en acheter. Fait que, qu'il y en ait une abondance comme ça, présentement, ça me montre que, tu sais, il y a encore du temps en masse pour collectionner, ça sera pas un problème. Et Cindy Sancartier, dernière, qui m'a écrit, je voulais savoir, est-ce que vous avez ouvert quelque chose à Verdun? On n'a vraiment pas ouvert quelque chose à Verdun encore. Et puis, c'est un peu en stand-by, là, ce que je comprends présentement. Ah, je vais m'étirer. C'est un peu... voyons, ce que c'est ça? J'ai des affaires sur moi. C'est un peu en stand-by, parce que les actionnaires prévus pour ce projet-là, il y en a un principal qui a de l'air plus ou moins intéressé. Il y en a un autre qui donne pas tant signe de vie. Il y en a un autre qui a commencé une nouvelle job. Fait que, tu sais, il n'y a pas tant de communication et puis tout le monde n'a pas tant le temps, on dirait, finalement, à investir là-dedans. Moi, je pourrais en avoir, mais j'ai besoin de ne pas sacrifier de revenus pour ce faire. Alors, à un moment de... Puis je laisse aller le bateau, fait que... On verra, mais non, il n'y a rien de fait encore présentement. Ben, je veux dire, on pourrait comme aller se choisir un local, il y en a, puis ça serait pas très compliqué, puis on pourrait mettre tout ça en branle. Puis je pense que tout le monde a son argent de prêt. Mais tout le monde n'est pas présentement, disons, dans la conversation Messenger qu'on a. Alors, je pense que ça va tarder un peu. Puis moi, de toute façon, c'est bien correct. Mon assiette est pleine, fait qu'on verra. Mais on verra qu'est-ce qui se passe avec ça. S'il se passe de quoi, vous serez les premiers prévenus. Ça, c'est sûr et certain. Ça fait une heure que je parle comme un fou, sans arrêt. J'ai ma trachée brûle, la trachée brûle. Fait qu'on va arrêter ça là, je suis un petit peu épuisé et je vois mes messages popper depuis tantôt, donc j'ai des choses à faire. Mais merci tout le monde d'avoir posé les questions, c'est toujours très apprécié. Et puis merci de suivre cette émission. Et ça me fait très plaisir. Encore une fois, j'ai croisé du monde chez Retro Montréal qui dit « Hey, salut! » Là. Ça donnait « J'étais là, il y a du monde qui était là, j'écoute ton émission. » Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Alors, bonne fin de semaine, gang, et puis on se revoit très bientôt. Ciao!